fetole batte, le femmes sont allées au tombeau pour un bonheur. Les rois du roi, en arrivant au tombeau, l'ange leur apparut, oui, allez, annonça la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia, il n'est plus. Elle courut vers les disciples, annonça la nouvelle qu'il n'est plus au tombeau. Il a vaincu la mort sur le chemin d'Emmaüs. Jésus leur apparut, confirma la nouvelle qu'il est ressuscité. Chantons Alléluia, gloire à Jésus-Christ, l'ennemi est vaincu, la mort est vaincue. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur dans tout l'univers. Yeah.